Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? I want you. Voulez-vous coucher avec moi? Take care. Voulez-vous coucher avec moi? Give me all your love. Voulez-vous coucher avec moi?